Το φουγάμα το ήτο κομίνα με ατές. Πάκο σαν μισά μισό να λιτωμά. Μόκο διασία έπιση. Άλλο βακάλι μοσό. Μετέρο μόκο έλαγα μόκο. Ιώμα να κομπό μόκο τσάλο βιο πονίσα ε. Ασέ μη μόκο το μοσάλα να μοσάλα. Μότικα μότικα σου έμοσο παραβανί. Comité central, un bureau politique, aux alina gouvernement, la fonction publique, aux alina privé, l'état ali kota la biso, oko sama na li tomba, oko sama na li tomba. Osali entrepreneur, imi sa maela ba entrepreneur. Osali docteur, sala kimunga osali sabato. Osali journaliste, imi sa kamboka na yo. Osali musicien, sala banze moto sabato. Osali camarade membre du parti, sala exemplaire na société. Topo y kokoso, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Moto na moto ne sika na ye, oko samba na litomba. Brazzaville est la capitale, capitale à Congo. Congo est la liberté, liberté d'expression. Congo est la démocratie, tola la constitution. Chaque yo baby si, patina peuple va consommer sa yo. Mokonza lobi si, motona motone si kanaye. Oko samba na litomba. Osalina comité central, na bureau politique, Osalina gouvernement, na fonction publique, Osalina privé, l'état ali kota la biso, oko samba na litomba, oko samba na litomba. Mon économie est en bolan. Osali entrepreneur, Mimi Samaele entrepreneur. Osali docteur, Sala Kimunga, Osali Sabato. Osali journaliste, Mimi Sakambo Kanayo. Osali musicien, Sala Banze Moto Sabato. aux alliés camarades membres du parti, salaire sont pleins dans la société. Toboy Kokoso, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Otona Motone Sikanaye, Kokosa Manali Tobae. Sa ville est allée capitale, capitale à Congo. Congo est allée dans la liberté, liberté d'expression. Congo est allée dans la démocratie, dans la constitution. Ce qui est au bébé ici, à tout le peuple, va tout s'amuser. Congo est allée au bébé ici, moto na moto n'est si canaille. Congo est allée dans la liberté.